إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنحمده جل وعلا الذي يسر لنا هذه الكلمة، فنسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. وبعد، فنواصل بحول الله جل وعلا في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وما زلنا في دراسة باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. Donc on va continuer inchallah sur l'explication du chapitre concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وكان الله سميعا بصيرا. Et donc l'imam al-Bukhari dans ce chapitre, l'auteur, comme on avait mentionné dans les allocutions précédentes, a mentionné un verset. Ensuite, il a fait suivre le verset par le hadith de Aïcha. Le hadith de Aïcha, où Aïcha dit: وقالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Donc il a mentionné ce hadith après qu'il ait mentionné le verset. Et après ce hadith, donc, qu'on a étudié dans les cours précédents, le hadith concernant la révélation du premier verset de la sourate Al-Mujadala, ensuite, l'imam al-Bukhari a mentionné un autre récit, rahimahullah. Donc l'auteur a mentionné un autre récit aussi. Et là, c'est le hadith de Abu Musa, du célèbre compagnon Abu Musa al-Ash'ari, rahimahullah ou radiyallahu ta'ala an. Et lui, le compagnon, il nous informe que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en leur compagnie, c'est-à-dire que plutôt les compagnons étaient en compagnie du prophète, sallam, pendant un voyage. فَكُنَّ إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا. Il dit, et lorsqu'on arrivait dans un haut lieu, lorsqu'on s'élevait, en quelque sorte, lorsqu'on montait, alors nous disions التكبير, nous disions Allahu Akbar. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en leur compagnie, leur a dit Irba'u ala anfusikum. En quelque sorte, ne vous fatiguez pas, fa innakum la tad'una asam wa la ra'iba. Car vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Tad'una sami'an basiran qariba. Mais plutôt, vous invoquez un seigneur qui est audient, vous invoquez un audient clairvoyant qui est proche. Donc je traduis littéralement. Thumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi. Ensuite, le même compagnon, Abu Musa al-Ash'ari, le rapporteur du récit, et il dit, alors que lui, il récitait en lui une parole, il disait, hein, dans son fond intérieur, une parole, il disait, la hawla wa la quwwata illa billah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rapproché de lui et lui a dit, dit la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuz al jannah, car c'est un paradis parmi les paradis, parmi, pardon, les trésors du paradis, car c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Et de ce fait, dans la dernière allocution, on était justement en train d'expliquer ce hadith qu'a mentionné ici l'imam al-Bukhari, l'auteur, hein, du livre de l'unicité, dans ce chapitre. Donc c'est le hadith, comme on l'a dit précédemment, de Abu Musa al-Ash'ari. On avait commencé, la fois dernière, on avait terminé notre cours, hein, avec le début de l'explication de ce hadith. Donc effectivement, la fois dernière, on avait appris que fait partie de la sunna du prophète, en somme, de sa tradition, que lorsqu'on est sur un chemin, ou sur un trajet, ou sur un parcours, ou bien en voyage, lorsqu'on arrive dans des lieux élevés, ou lorsqu'on est en train de monter, par exemple, lorsqu'on est sur une pente, et on est en train donc de monter, Alors, de s'élever. Alors, dans ce cas-là, fait partie de la sunna du prophète, c'est simple de dire Allahu Akbar, de faire ce qu'on appelle at-takbir, at-takbir. Et par contre, à l'inverse, le prophète sallam faisait partie de sa sunna lorsqu'on arrive, par exemple, dans des lieux non élevés, par exemple, lorsqu'on descend, à l'inverse, hein, donc on est sur un parcours, sur un trajet, on est en voyage, et là, par exemple, on descend une pente, on descend vers, par exemple, un fleuve, on descend vers une rivière, par exemple. Alors là, on dit Subhanallah. On dit Subhanallah. Gloire à Allah. Et donc, de cette manière, le prophète sallam a enseigné les compagnons. Donc, il leur a enseigné de faire de la sorte. C'est-à-dire que lorsqu'ils montent, ils disent Allahu Akbar. Et lorsqu'ils sont sur une pente, une descente, et là, ils descendent cette pente-là ou autre, un chemin ou un parcours, alors ils disent Subhanallah. Et ensuite, Ibn Taymin, l'auteur du commentaire, lui avait mentionné, avait évoqué par exemple une sagesse à cela, peut-être une cause à cela, le fait que lorsqu'on s'élève, lorsqu'on monte, eh ben, ça peut dénoter une forme d'orgueil, le fait de se voir élevé. Alors la personne, il se voit donc élevé, et ça peut dénoter une forme d'orgueil, de vanité. Dans ce cas-là, le plus grand, c'est Allah. Et on se rappelle que le plus grand est Allah, Subhanahu wa ta'ala. Et on dit Allahu Akbar. Par contre, à l'inverse, lorsqu'on descend, فَإِذَا نَزَلَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى السُّفْلِ السُّفْلِ وَالسُّفْلِ نَقْصٌ. Et ça, plutôt, lorsqu'on descend, ça sous-entend, ça dénote plutôt une sorte d'infériorité. Ça dénote plutôt une déficience, un axe, une diminution si vous voulez. Et là, alors dans ce cas-là, on dit Subhanallah, on dit Gloire à Allah. Et on avait des exemples à cela dans la dernière allocution. Comme par exemple, lorsqu'on est dans l'avion, lorsqu'on monte, alors la sunna c'est de dire Allahu Akbar lorsque l'avion décolle. Par contre, lorsqu'il atterrit, donc il descend, là on dit Subhanallah. Donc c'est ce que faisaient les compagnons. Voilà, pour mieux comprendre maintenant le récit, ce qui nous est rapporté, Abu Musa al-Ash'ari dit que alors que nous étions en train d'invoquer Allah, Subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, Idha alauna kabbarna, lorsque on s'élevait, donc lorsqu'on montait, on disait Allahu Akbar. Alors le prophète sallam leur a dit de ne pas se fatiguer, qu'ils ne se fatiguent point. Que certes, leur Seigneur, ils invoquent pas, leur Seigneur qu'ils invoquent, hein, ils n'invoquent pas un sourd ou bien un absent, mais celui qu'ils invoquent, il est audient, clairvoyant et il est proche. De cela, on apprend que lorsqu'on invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, donc Allah, Jalla wa'ala, est celui qui entend. Donc Allah, il entend les supplications, il entend les implorations, il entend tout simplement les invocations. Donc la personne n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de être kallaf, comme on dit, il n'a pas besoin de s'imposer une charge, hein, et donc de fatiguer son corps en criant, en se fatiguant, puisque Allah Jalla wa Ala est celui qui entend parfaitement Subhanahu wa Ta'ala, et rien ne lui échappe, comme on l'avait précisé au début de l'étude de ce chapitre. Donc rien ne lui échappe. Et donc le prophète sallam dit à ses compagnons de ne pas fatiguer leur personne, de ne pas s'imposer une sorte de pénibilité du fait que Allah Jalla wa Ala est celui qui entend tout. Il entend aussi bien les supplications, les implorations, les invocations. Allah est celui dont rien ne lui échappe, Subhanahu wa Ta'ala. Et pour ça, dans le récit, le prophète Sam a dit, La tad'ouna asam, la tad'ouna asam, vous n'invoquez pas un sourd, de sorte que la tad'ouna ma la yasma. Dans le sens que vous n'êtes pas en train d'invoquer celui qui n'entend pas. Et de ce fait, vous devez élever vos voix de telle manière. Ou bien vous n'invoquez point un absent. Vous n'invoquez pas un absent, quelqu'un dont votre situation et votre état lui échappent, mais plutôt, tad'ouna, mais plutôt, regardez, le prophète ensemble leur dit, tad'ouna sami'an. Basira, mais plutôt vous invoquez l'audient, le clairvoyant, celui qui entend et celui qui voit tout. Et remarquez bien, alors que le compagnon, il disait, lorsqu'on s'élevait, on disait Allahu Akbar. Et le prophète, ensuite, leur a dit, ne vous fatiguez pas, vous n'êtes pas en train d'invoquer un sourd ou bien un absent. Regardez, le prophète, a dit, vous n'êtes pas en train d'invoquer. Donc, il a mentionné le terme adhikr, adhikr, l'invocation. Ou ad-dua aussi, ad-dua. Et là, l'auteur du commentaire, Shallah Thaymin, va préciser un point important. Allah leur a pas dit, vous n'êtes pas en train de faire le takbir, vous n'êtes pas en train de glorifier la grandeur. Il a dit, vous n'êtes pas en train d'invoquer un sourd, alors que eux faisaient le takbir. Pourquoi? Parce que tout simplement, le takbir, c'est une forme de dhikr, c'est une forme d'invocation, c'est une forme ou d'évocation, si vous voulez. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تكبرون لأصم ولذلك لأن الذكر يتضمن الدعاء. Pourquoi? Parce que الذكر, lorsqu'on fait de l'évocation, ça sous-entend الدعاء, l'invocation. فإن الذكر إنما يذكر الله ليثيبه على ذلك. Pourquoi? Parce que celui qui évoque Allah, qui fait ce qu'on appelle du ذكر, celui qui fait du ذكر, إنما يذكر الله ليثيبه على ذلك. Lui, il évoque Allah, il fait ce dhikr pour qu'Allah Jalla wa'ala lui rétribue. فهو دعاء بلسان الحال. Et donc ça veut dire que c'est une forme d'invocation. C'est une forme d'invocation, comme il dit, بلسان الحال. En d'autres termes, بلسان الحال, c'est-à-dire que l'état de leur langue, elle était en état d'évocation, de dhikr. Donc leur langue, lorsqu'ils disaient Allahu Akbar, ils faisaient ce qu'on appelle du dhikr. Et dhikr, Cheikh nous explique ici, c'est une forme d'invocation. Pourquoi? Parce que on recherche ici la rétribution d'Allah, la récompense d'Allah. Donc cela, bilisan ilhal, c'est l'état de la langue. Donc c'est considéré comme de l'invocation. C'est pour ça que le prophète sallam leur a dit, alors que eux disaient Allahu Akbar, leur a dit, vous n'êtes pas en train d'invoquer un sourd ou bien un absent. Et ça peut supposer aussi, on peut supposer aussi, dans l'hypothèse où les compagnons disaient Allahu Akbar, kanu yukabbiruna, comme on dit, donc ils faisaient at-takbir, mais aussi ils étaient en train d'invoquer Allah Jalla wa'ala en même temps. Donc ça peut supposer ça aussi. Ça peut sous-entendre aussi que les compagnons, eh ben, en faisant et takbir aussi, ils étaient en train de d'évoquer Allah. Ils faisaient ce qu'on appelle du dhikr. L'un n'empêche pas l'autre. Donc ils faisaient du dhikr et en même temps ils disaient Allahu Akbar. Et donc de ce fait, ce qui était mentionné d'une manière plus particulière et précise, c'est le takbir. C'est le takbir. Mais ça n'exclut pas le fait qu'aussi ils étaient en train de faire du dhikr. Et comme le dhikr, c'est une forme d'invocation, une forme d'invocation. Donc le prophète ensemble leur a dit, la tad'una asam wa la ra'iba walakin al-awwal aqrab. Mais l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit la première supposition et la première hypothèse est plus proche et plus plausible, si vous voulez. Il dit la première hypothèse, elle est plus plausible, c'est-à-dire celle consistant à dire que le dhikr, l'évocation, c'est dua, c'est de l'invocation. Que le dhikr, c'est de l'invocation. لأن الذاكر يدعو الله تعالى بلسان الحال. Pourquoi? Parce qu'il dit, celui qui fait de l'évocation, en réalité, il est en train d'invoquer Allah, mais bilisan الحال. Bilisan الحالي. Si vous voulez, ça sous-entend, lorsqu'on dit bilisan الحال, ça dénote ici l'état de la langue. Pourquoi? Parce qu'il y a l'issan el maqal. Lorsqu'on dit bilissan el maqal, là c'est vraiment les paroles que profère la langue. Les paroles proférées et les paroles dites. El muhim, l'important ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète sallam leur a dit en quelque sorte, les a exhortés à ne pas forcément s'imposer une charge, an yatakallafu, qu'il s'impose cette charge pénible et difficile de crier de crier lorsqu'ils font leur dhikr et lorsqu'ils font takbir ou bien tasbih. Pourquoi? Parce que le Seigneur est celui qui entend et le Seigneur, il est le clairvoyant. Donc Allah, il entend toutes nos paroles et Allah voit toutes nos actions. C'est ça ce qu'il faut retirer ici comme ce qu'il faut tirer ici comme enseignement. Et donc là, à ce moment-là, on comprend bien la convenance qu'il y a entre le hadith et le chapitre. Pourquoi l'imam al-Bukhari a mentionné ce hadith dans ce chapitre? Là, le lien, il est clair, hein? Le lien est évident. C'est que, comme il a mentionné, aussi bien il a mentionné en guise d'intitulé, le verset où Allah Jalla wa Ala dit « Wa kad Allahu sami'an basira » et Allah est certes audient et clairvoyant. Là, dans ce récit, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme cela lorsqu'il dit qu'Allah Jalla wa Ala, il est l'audient et le clairvoyant. Et dans la dernière allocution, on avait dit que le bienfait de savoir cela, l'utilité de ce savoir et de cette connaissance-là, ça va profiter au croyant et ça va le mener justement à faire attention à ses paroles et à faire attention à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se remémore, il se rappelle qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui entend tout et que rien ne lui échappe, alors de ce fait, il va faire preuve de pudeur envers son Seigneur et il va faire attention à ce qu'il profère comme parole. Du fait qu'il ne va pas vouloir faire entendre à son Seigneur des paroles qui pourraient le mécontenter ou bien le mettre en colère. Et c'est pour ça que c'est vraiment très pertinent et judicieux que l'imam al-Bukhari ait mentionné ce hadith à ce moment du chapitre, à ce moment du livre. Et ensuite, donc le prophète sallam dit « Tad'ouna sami'an basira ». Et le prophète sallam aussi, après qu'il ait dit « Vous invoquez un Seigneur qui est audient et clairvoyant », il a cité un troisième terme, « Qariban ». Et il dit « Et il est proche ». Et il est proche. C'est pour cela qu'on a une autre version du récit. On a une version du récit « Wa fi lafdin akhar, inna alladhina tad'ouna » ou plutôt « Inna alladhi tad'ounahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ». Et dans un énoncé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté qu'il a dit « Certes, celui dont que vous invoquez est plus proche de vous que le cou de votre monture ». Gardez, imaginez-vous, celui qui est en voyage, et à l'époque, vous saviez, il voyageait avec des montures, donc ils étaient sur leur bête, hein. Leur monture, c'était une bête. Donc imaginez-vous qu'ils étaient sur leur bête, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit que certes, Allah, jalla wa ala, celui que vous invoquez, est plus proche de vous que le cou de votre monture, que le cou de votre bête. Vous voyez, c'est vraiment très clair, c'est vraiment explicite. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, enseigne qu'Allah, jalla wa ala, est proche de ses serviteurs. « Wa hum ala rawahil » فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَقْرَبُ مِنْ عُنُقِ الرَّحِلَةِ. Et c'est pour cela que le prophète, donc, alors qu'eux, ils sont en voyage, ils sont sur leur monture, sur leur bête, le prophète leur indique aussi bien Allah est l'audient, et Allah est le clairvoyant, mais il est même plus proche que vous puissiez le penser. Allah, Jalla wa Ala, est plus proche que vous pensez. Allah est plus proche encore que le cou de votre bête, que le cou de votre monture. Et en cela, le croyant, il va trouver du réconfort. Le fait de savoir qu'Allah, Jalla wa Ala, est proche de nous, Allah est proche de ses serviteurs, Allah, il est proche de vous, eh ben, le croyant, il va être rassuré. Le fait que le plus grand des alliés et le meilleur des alliés, il est proche de ses serviteurs. Regardez, c'est une information qui est immense que enseigne le prophète Hassan à ses compagnons. Alors que les compagnons, ils sont en voyage. Donc, vous avez vu la situation, par exemple, d'un voyageur. Et la situation du voyageur à l'époque des compagnons, c'est pas comme à notre époque. Donc les voyages à l'époque étaient largement plus difficiles. Il n'y avait pas tout le progrès moderne de l'époque, il n'y avait pas la science moderne, il n'y avait pas les moyens techniques de l'époque. Donc à l'époque, vous avez vu, hein, ils voyageaient avec leurs montures, avec leurs bêtes, et ils étaient aussi à pied. Donc c'était des voyages qui étaient difficiles, et c'était des voyages qui mettaient du temps. Aujourd'hui, un voyage, par exemple, qu'on va faire en quelques heures, en une demi-heure, en une heure, en deux heures, à l'époque, ça prenait des jours, ça prenait des semaines. C'était des voyages qui prenaient des semaines, des voyages qui prenaient des mois de voyage. Donc, regardez, imaginez-vous, À l'époque, il fallait s'approvisionner, il fallait prendre les provisions, il fallait avoir la bête, etc. Donc, fallait vraiment, avant de voyager, il fallait vraiment prendre ses provisions. Imaginez-vous un voyage dans le désert. Un désert, si la personne n'a pas ses provisions, il peut être en manque d'eau, par exemple, et ça peut durer des heures dans le désert. Ça peut être sur des kilomètres, sur des distances inestimables. Il va pas trouver d'eau. Donc, il ne va pas trouver de provisions. C'est pour ça qu'il était important à l'époque qu'il s'approvisionne. Et donc, vous avez vu la situation du voyageur. Et donc, le prophète, sallam, leur informe, hein, il les informe que Allah, dans n'importe quelle situation, Allah, il est proche de ses serviteurs. Aussi bien, il les entend, aussi bien, il les voit, et aussi bien, il est proche d'eux. Alors que les compagnons invoquaient Allah, ce printemps-là, à haute voix, il l'évoquait en disant Allahu Akbar, par exemple, à haute voix, le prophète ensemble leur disait de ne pas se fatiguer, de ne pas s'imposer une pénibilité et de la peine, de ne pas s'imposer une surcharge. Pourquoi? Puisque Allah Jalla est celui qui entend, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui voit, et plus de plus, Allah Jalla, il est proche. Il est proche de vous. Et le prophète a illustré cela pour vraiment leur faire comprendre qu'Allah Jalla, il est vraiment proche de ses serviteurs, en leur disant qu'il est plus proche du coup que de vous, du coup de votre bête. Et regardez, par exemple, on a un verset où Allah dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dans un verset, Allah dit, traduction native, et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, dis, je suis certes proche, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, c'est-à-dire Allah Jalla s'adresse au prophète, alors il dit au prophète, lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, dis-lui que je suis proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et certes, je réponds, j'exauce la demande de celui qui invoque, lorsqu'il invoque. Vous avez vu? Donc Allah Jalla est proche de ses serviteurs. Et de ce fait, le croyant dans n'importe quelle situation, ce qu'il faut tirer de cela comme utilité et bénéfice, c'est que dans n'importe quelle situation, on va se retrouver le croyant, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, dans n'importe quelle situation, le croyant qu'il sache que son Seigneur, il est proche de lui. Que ce soit dans de l'adversité, dans un moment de malheur, dans un moment de désarroi, dans un moment de détresse, lorsque la personne il est dans un problème, il ne sait pas comment il va se sortir de ce problème. Lorsque la personne vraiment elle est dans une situation, là, elle trouve pas d'issue, elle trouve pas d'échappatoire. Eh bien, qu'elle sache, qu'elle n'ait pas de doute, qu'Allah Jalla le voit, qu'Allah voit cette situation, qu'Allah rien ne lui échappe, qu'Allah a connaissance de cette situation. Et en plus de cela, ce n'est pas tout. Ce que le prophète en somme, il nous informe quelque chose d'important, quelque chose d'immense, c'est qu'il nous dit, et Allah est proche. Donc sachez qu'Allah, Jalla, il est proche dans n'importe quelle situation. On va se retrouver là, la personne, dans de l'adversité, dans un malheur, dans un problème. Il voit pas d'échappatoire, il voit pas d'issue, qu'il sache qu'Allah, Jalla, est proche. Regardez, le prophète, sallam, ce qui illustre bien cela à titre d'exemple, le prophète, sallam, alors qu'il a fait l'émigration, il était pourchassé par les Mécois, par les polythéistes Mécois. Donc, il voulait pas le laisser partir. Et juste avant, ils ont essayé de le tuer. Donc, le prophète, sallam, s'est enfui. Et donc, a eu l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a eu l'ordre de son Seigneur d'émigrer de la Mecque vers Médine. Alors qu'il va émigrer à Médine, sur le chemin, donc, alors que les polythéistes seront à ses trousses, à un moment donné, le prophète, vous connaissez bien l'épisode, lorsque le prophète va se cacher dans cette grotte, alors qu'il sera avec son compagnon, il sera avec son ami intime. S'il aurait pu prendre un ami intime, il aurait pris ce compagnon, Abou Bakr, comme ami intime. Donc, il était avec son compagnon qui était très proche de lui. Alors, ils étaient dans la grotte, ils étaient deux. Et là, à un moment donné, alors que les polythéistes étaient à leur trousse, ils ont trouvé cet endroit. Donc, ils étaient vraiment à proximité de l'endroit, jusqu'à un moment, l'un de ces polythéistes, s'il aurait baissé la tête, il aurait regardé en direction vraiment du trou de la grotte, il aurait pu voir aisément et facilement le prophète ensemble avec son compagnon Abou Bakr. Et là, à un moment donné, Abou Bakr était tellement en quelque sorte épris, hein. Il était tellement épris que là, le prophète, il s'est dirigé vers Abou Bakr en le regardant, en lui disant, que penses-tu de deux lorsque le troisième est Allah? Que penses-tu de deux lorsque le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala? Donc regardez là, l'affaire des prophètes et des messagers, le prophète ne doutait pas. Ne doutez pas qu'Allah Jalla est celui qui voit, qu'Allah est celui qui entend tout, qu'Allah Jalla a connaissance de tout et qu'Allah Jalla aussi, surtout, il est proche de ses serviteurs. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, Allah Jalla est proche de vous. Allah est proche de tous ses serviteurs. Lorsque, par exemple, une personne sort ou bien il est dans une situation difficile, il est vraiment, comme on l'a dit précédemment, on insiste bien sur ça parce que ça, c'est important de toujours le savoir. La personne, parfois, il vit des problèmes, il est dans des situations difficiles et rarement on se remémore qu'Allah, Jalla, ben, est proche. Allah, il est proche de son serviteur. Donc à ce moment-là, cela nous mène à quoi? Ça va mener le serviteur à quoi de savoir que son Seigneur, plutôt, il est proche de lui? Eh bien, ça le mène à l'invoquer. C'est pour cela que Allah Jalla dans le verset qu'on a cité précédemment, lorsqu'il dit wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis proche. Je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, et je réponds à l'invocation, j'exauce l'invocation de celui qui invoque lorsqu'il invoque, une traduction relative du sens du verset. Donc cela mène le croyant, donc lorsqu'il est dans des situations où il ne trouve pas d'échappatoire, il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire pour sortir de, en quelque sorte avec des termes familiers, de ce pétrin, de ce problème. Il ne sait pas comment il va faire. Alors sachez qu'Allah est proche, donc invoquez-le. Et souvent, ça nous échappe. Souvent dans des situations, on est dans des problèmes, dans des difficultés. Et au lieu de penser tout de suite qu'Allah Jalla est proche, et donc on n'a qu'à l'invoquer et s'en remettre complètement à lui, hein, si vraiment on a fait toutes les causes, on fait les causes, on n'a plus rien à faire, on ne peut plus rien faire, ça y est, tout a été fait, toutes les causes elles ont été prises, on a tout fait. Et là on est vraiment dans un problème, on ne trouve plus d'issue. Eh bien sachez, craignez Allah, sachez qu'Allah Jalla est proche, invoquez-le. Par contre, il faut être convaincu que lorsqu'on va l'invoquer, il entend et il va répondre. On a dit, le fait qu'Allah entend les invocations, ça sous-entend qu'il va répondre et qu'il va donc exaucer les invocations. Soyez convaincus de cela et vous verrez al-ajab ul-ujab. Vous verrez des miracles devant vous. Vous verrez des choses étonnantes. Par contre, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir de l'hésitation. Il ne faut pas douter. Est-ce qu'Allah Jalla va me répondre? Est-ce qu'il ne va pas me répondre? Et il y en a lorsqu'ils invoquent Allah, alors ils doutent. Lorsqu'on dit qu'ils doutent, ils hésitent. Ils sont hésitants de sorte que j'invoque Allah parce qu'il faut le faire. C'est par principe, il y en a, ils se disent. Il y en a, ils invoquent Allah par principe, ils se disent. J'invoque Allah parce qu'il faut le faire. On m'a dit qu'il fallait invoquer. Mais c'est par principe. Mais n'est pas vraiment convaincu que ça va être le. Ça va vraiment être l'issue à son problème. Ça va être vraiment et réellement la solution de son problème. Il n'est pas convaincu, il est hésitant. Il se dit, mais bon, est-ce qu'Allah il va me répondre? Ou est-ce qu'il ne va pas me répondre? Est-ce qu'il va m'exaucer? Il ne va pas m'exaucer. Mais si, dès le départ, la personne qui invoque Allah, il part comme ça, si pour lui, déjà, il commence à invoquer alors qu'il est hésitant, s'il n'est pas convaincu qu'Allah Jalla va répondre à sa demande, alors, dans ce cas-là, sûrement, c'est possible que il n'aura pas de réponse. C'est possible. Pourquoi? Parce que pour qu'Allah Jalla exauce nos invocations, il faut être certain que lorsqu'on l'invoque, qu'Allah Jalla, il entend les invocations. C'est pour ça que ce chapitre, il n'est pas l'auteur, l'imam al-Bukhari, il n'a pas cité en vain ce chapitre. C'est vraiment dans ce chapitre, on en prend des enseignements. Qu'Allah est l'audient, vraiment, Allah il est celui qui entend. Et lorsqu'on a dit qu'Allah il est Samir, vraiment, Samir ad-Du'a, celui qui entend les invocations, il est celui qui exauce les demandes. Donc soyez certain, dans n'importe quel problème que vous allez vivre, n'importe quel malheur, lorsque vous êtes en période de détresse, de difficulté, vous êtes dans le désarroi, vous savez plus vers qui vous tournez. Tournez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Orientez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah est proche subhanahu wa ta'ala. Regardez le prophète sallam alors qu'il était avec son compagnon Abou Bakr dans cette difficulté dans la grotte. C'était grave ce qui se produisait. Si les polythéistes trouvaient le prophète, mais c'était très grave, c'était tragique ce qui pouvait se produire. Eh bien, regardez, le prophète, il était confiant. Et c'est ça, lorsqu'on a parlé la fois dernière de tawakkul, d'avoir complètement confiance, de remettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, une confiance complète, de s'en remettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la réelle confiance. Le prophète n'a aucunement douté. Aucunement douté. Il a dit, mais que penses-tu de deux lorsque le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ne doutez point. Lorsque vous vivez n'importe quel problème, Allah Jalla wa ala détient tout. Allah peut sortir ses serviteurs de n'importe quel problème. Allah est celui qui donne et qui trouve les issues favorables à ses serviteurs. Mais il faut l'invoquer. C'est pour ça que c'est vraiment très, très important de savoir qu'Allah Jalla wa ala entend tout, rien ne lui échappe. Et c'est pour ça que le prophète, c'est comme ça qu'il a éduqué ses compagnons. Et c'est comme ça que le prophète, il a enseigné à ses compagnons. Regardez, en voyage, le prophète, en toutes les situations, toutes les opportunités, étaient bonnes pour enseigner aux compagnons. Regardez, le prophète, alors qu'ils sont en voyage, alors qu'ils sont en train de faire de takbir, de dire Allahu Akbar, ils levaient la voix, le prophète, leur a dit, votre Seigneur n'est pas sourd, votre Seigneur n'est pas absent. Imaginez-vous. Il n'est pas absent, le prophète Sam leur dit. Qu'est-ce que ça sous-entend? Il n'est pas absent. Et après, il va le dire. Il est audient, clairvoyant et proche. Et de là, si on assimile bien cette notion-là, si on la comprend bien, on voit qu'en réalité, le problème, il vient de nous. Souvent, le problème, il vient de nous. C'est que parfois, on a la solution. La solution, elle est devant nous. Devant nous. Par exemple, la solution ici, vraiment, on n'a qu'à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la solution, on la connaît. Lorsque je dis devant nous, dans le sens que cette solution, on la connaît. Et Allah, Jalla wa ala, par sa miséricorde, vraiment, Allah, il est proche de ses serviteurs. Allah, il est à l'écoute de ses serviteurs. Regardez à titre d'exemple encore. C'est pour ça que c'est très pertinent. C'est vraiment, lorsqu'on médite ces textes qu'on est en train d'apprendre, c'est vraiment très pertinent et fort les textes qu'a mentionné l'auteur, l'imam al-Bukhari. Pourquoi? Parce que regardez, lorsqu'il a premièrement évoqué l'histoire de cette femme qui était dans la détresse, qui s'est plaint auprès du prophète de ce qu'elle vivait, que toute sa vie, alors qu'elle était à la 20 ans, l'âge âgé, son mari la divorce. D'un divorce définitif et irrévocable. Elle se retrouve maintenant démunie de toute ressource. Elle était vraiment, pour elle, c'était une fatalité. Regardez, donc elle s'en va chez le prophète, sallam. Elle fait part, elle se confie au prophète, sallam. Elle lui fait part de son désarroi. Qui est-ce qui l'entend? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a entendu. Allah, il a entendu ses plaintes, subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous. Et Allah dit dans le verset, Allah a entendu ses plaintes. Allah, il a entendu la conversation, puisque Allah, rien ne lui échappe. Et c'est pour ça que Aïcha elle-même, elle a dit, Subhanallah, Subhanallah, gloire à Allah, celui qui entend tout, rien ne lui échappe, Subhanallah. Et bien, regardez cette femme qui était en détresse, elle est revenue, elle est allée vers Allah, Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'elle a cherché une solution auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah, Jalla wa ala, il lui a trouvé une issue à cette femme. Donc, c'est pour cela, souvent, le problème, il vient de nous. Souvent, on est dans des problèmes. Souvent, on est dans des situations difficiles. Souvent, on est dans les personnes avec nos termes à nous, familiers. Une personne, il se retrouve un peu dans une galère. Et là, il a la solution. Il faut qu'il invoque Allah. Il faut qu'il fasse les causes. Peut-être parfois, ces problèmes-là, c'est dû à des péchés qu'il commet. Donc, il faut qu'il fasse les causes. Il se repentit et puis il invoque Allah. Il revient là. On a parlé de l'inaba, le retour, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ce qu'on apprend, ça nous permet ici d'avoir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, celui qui a vraiment un lien solide avec son Seigneur, celui qui, lorsqu'il est dans des problèmes, il sait qu'Allah, il est proche, donc il revient vers son Seigneur, vous allez voir des choses très étonnantes. Vous allez voir comment Allah, Jalla wa ala, répond et exauce. Des fois, les invocations, elles sont exaucées sur le champ. Vous invoquez tout de suite, vous allez voir là, la réponse à votre invocation. Et parfois, Allah, Jalla wa ala, ça fait partie de sa sagesse. Allah répond quand il le désire. Et Allah répond à qui il veut. On peut rien lui imposer, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, Jalla wa ala, nous dit, demandez, Allah, il donne, vous inquiétez pas. Juste, il faut être confiant. C'est ça, lui, sa fonction de croyant, c'est d'être confiant, d'être certain, d'être sûr, de ne pas hésiter. Et vous allez voir qu'Allah Jalla, lui, nous demande de lui demander, de l'invoquer, de pas de prendre d'intermédiaire. On n'a pas à prendre d'intermédiaire. Que ce soit des saints, des prophètes, des envoyés, des anges rapprochés, on n'a pas à prendre d'intermédiaire. On n'a pas à prendre, par exemple, des saints, ce qu'ils appellent les saints, les morts. Ensuite, ils se dirigent vers cette tombe, alors ils ont érigé des. Édifier des mausolées, des coupoles, des lieux élevés au-dessus des tombes, avec ces édifices élevés sur ces tombes-là, et ils disent que c'est la tombe du saint, et il faut invoquer le saint. Non, on ne prend personne comme intermédiaire. Celui qu'on invoque, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit dans le verset, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, dis-lui que je suis proche. Et je réponds favorablement, j'exauce la demande de mon serviteur. Allah dit, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et certes, les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez personne en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. N'invoquez personne. Que ce soit un prophète, que ce soit un messager, que ce soit un envoyé, que ce soit un ange rapproché, que ce soit un saint, que ce soit le plus grand des pieux de cette nation, le plus grand imam. On n'invoque personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui que notre retour est vers lui, dont notre retour se fait. Et vous allez voir ensuite qu'Allah Jalla wa Ala répond aux demandes de ses serviteurs. Et si par exemple, Allah Jalla wa Ala n'a pas maintenant répondu à la demande de son serviteur, c'est qu'il y a une sagesse. C'est qu'il y a une sagesse. Allah peut remettre cela quand il le désire, subhanahu wa ta'ala. Et ça me rappelle une anecdote lorsqu'on parle d'hésitation et de douter. Vous savez, à l'époque des premières générations, tellement dans les premières générations, les salafs, ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs, à l'époque des compagnons et de leurs successeurs, tellement ils avaient atteint un niveau de piété qui était énorme, tellement ils avaient atteint des hauts degrés de piété. Vous savez, les compagnons, parfois, leur degré de croyance, de aqida et de piété, on peut pas se l'imaginer. Certains, à leur époque, avaient atteint un niveau de piété. Vous n'avez qu'à lire, par exemple, les récits qui sont rapportés, hein, les biographies de certains compagnons, de certains salafs, pieux prédécesseurs, de certains grands imams de cette nation. Vous allez voir la ajab al-ujab, vous allez voir des choses vraiment très étonnantes. Eh bien, vous voyez que tellement certains, à cette époque-là, ils avaient tellement atteint des hauts degrés de piété, des hauts degrés de piété, et vous savez, plus vous avez la piété, plus vous cherchez la piété, plus Allah Jalla va vous rajouter de la piété. C'est ça qu'il faut savoir. Lorsqu'une personne il veut du rajout, il veut que sa piété s'intensifie, il veut qu'Allah lui rajoute de la piété, alors sois pieux, recherche la piété, Allah va te rajouter. Allah il va te rajouter de la piété. Plus on essaye et plus on veut être pieux, Allah va nous donner de la piété. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla dit dans un verset, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Regardez Allah Jalla, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Allah dit, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا, c'est ceux qui sont droits, qui cheminent dans le chemin droit. Allah dit, زَادَهُمْ هُدًى, Allah leur rajoute de la guidée. Ceux qui sont sur la guidée, qui cheminent sur le chemin droit, Allah Jalla dit, زَادَهُمْ Huda wa atahum taqwahum. Et Allah Jalla dit, et il leur donne de la taqwa, de la piété. Regardez, c'est Allah Jalla qui le dit dans ce verset. C'est un verset qui est immense. Allah Jalla, regardez, il le dit, walladina tadaw, et ceux qui seront droits sur le chemin droit, zadahum huda, Allah leur rajoutera de la guidée, wa atahum taqwahum. Et Allah Jalla dit, et il leur donnera de la piété. Donc il suffit que la personne désire, convoite la guidée, il chemine sur le chemin de la guidée, Allah Jalla va lui rajouter de la guidée. Et Allah va lui donner de la piété. Tout ça pour dire, regardez, pour revenir à cette histoire que je voulais vous raconter, c'est qu'à l'époque, il est dans les premières générations, il y en a qui ont tellement atteint des hauts degrés de piété, des hauts degrés vraiment de ferveur et de dévotion. Eh bien, à l'époque, tellement certains ils avaient un haut degré de dévotion et de foi et de iman, Allah Jalla wa Ala leur a permis de faire des choses. Parfois, ils faisaient des choses qui étaient hors du commun. des miracles, des sortes de miracles, des choses qui étaient hors du commun. Et ça, ce n'est pas à confondre avec les prodiges des démons. Ce qu'on appelle parfois les alliés des démons, parfois ils peuvent faire des choses, ils peuvent faire des choses, mais ça, ce sont des alliés de Satan, ce sont des alliés du démon. Et ça, il faut pas confondre. Faut pas confondre ceux qui sont les alliés des démons, des shayatines, de Satan, de Iblis. Parfois, ils peuvent faire des choses qui sont hors du commun, mais ça, c'est dû alors à leur satanisme, c'est dû à leur mécréance, à leur pratique démoniaque, si vous voulez. Et comme on peut voir, par exemple, certains sorciers, comme on avait expliqué dans des allocutions précédentes, qui parfois, ils travaillent avec des shayatines, avec des démons. Donc parfois, ils vont faire des choses qui sont hors du commun. Hors du commun. Et Allah, Jalla Wala, a permis ces choses-là en tant qu'épreuve. Ceux qui n'ont pas une foi forte en Allah, ceux qui n'ont pas une grande connaissance de la religion d'Allah, eux peuvent tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve, c'est un test. Pourquoi? Parce que cette vie d'ici-bas est un test. Et donc, il y a des épreuves. Donc, il y a des examens. Et de ce fait, Allah Jalla wa Ala met à l'épreuve ses serviteurs. Comme à l'époque de Moussa, il y avait des sorciers. Du prophète Moussa avec Pharaon, il y avait des sorciers. Donc ça, c'est en tout temps qu'il y a eu des sorciers et des devins. Ces sorciers-là, par exemple, qui travaillent avec des chayatines, parfois ils peuvent faire des choses hors du commun. Comme on voit dans certains pays à l'heure actuelle, ou même dans certains pays, par exemple en Afrique du Nord. Dans certaines régions, en Afrique du Nord, il y a même des sortes de pèlerinages où ils vont visiter ces gens. Et parfois, ces gens, ils vont faire des choses hors du commun. Ils vont se rentrer des couteaux dans le ventre. Et ils vont même parfois ils peuvent prendre un fusil, ils vont se tirer dessus. Donc, El-Mouhim, ils vont faire des choses parfois qui sont hors du commun. Mais ça, il faut pas confondre ça. C'est dû à leur pratique, c'est dû à leurs activités démoniaques et machiavéliques. Tandis que, il faut faire la distinction, vous allez trouver dans certains livres de croyance, que les savants ont fait la distinction entre eux, il faut bien discerner, entre parfois certains miracles qu'ont eu certains pieux de la communauté. Certains pieux de la communauté. C'est arrivé. En l'occurrence, par exemple, il est dit qu'à l'époque, qu'il y avait un homme qui avait réussi à marcher sur l'eau. C'est rapporté, mais c'est vraiment dans les premiers siècles. C'est vraiment dans les premiers siècles, tellement ils étaient pieux, parfois Allah pouvait leur permettre certaines choses qui étaient vraiment hors du commun. Mais il faut vraiment faire la distinction. C'est pour ça que certains savants ont même rédigé des livres sur ça. En l'occurrence, il y a le grand savant de l'islam, Ibn Taymiyyah. Il a un livre, Kitab al-Furqan. Kitab al-Furqan, justement, le livre du discernement. Discerner entre quoi et quoi? Discerner entre les miracles, hein, des alliés d'Allah, les prodiges, des alliés d'Allah. Et les œuvres démoniaques des alliés du démon. Des alliés du démon. Donc bien faire la différence. Alors il a rapporté que cet homme, par exemple, les gens toujours le voyaient au premier rang à la mosquée. Il était toujours en avance. Il était toujours en avance. Or lui, pour venir à la mosquée, il y avait une sorte de fleuve ou de rivière qu'il séparait, qui était un obstacle entre sa maison et la mosquée. Mais les gens s'étonnaient parce que malgré cette sorte de rivière, il était toujours à l'heure et il était le premier. Donc les gens un jour sont venus lui rendre visite. Ils ont dit, mais comment est-ce que tu fais? Puisque toi, normalement, pour venir à la mosquée, il faudrait faire un long détour pour qu'il puisse arriver à la mosquée. Mais les gens ne le voyaient pas faire ce détour. Et malgré cela, ils le voyaient tout le temps en avance. Il arrivait même avant les gens. Alors lui, il disait tout simplement, je passe par là, je traverse. Alors les gens, certains étaient stupéfaits. Ils disent, comment ça? Il dit, oui, moi je traverse. Il traversait cette sorte de rivière. Il a traversé. Alors il leur a dit, essayez, vous allez voir. Il faut juste être convaincu de pouvoir y arriver. Alors il a rapporté dans l'histoire que, alors ensuite, un des étudiants, un qui était présent, il a voulu essayer. Alors lorsqu'il a essayé, il a levé sa tunique. Il a levé en quelque sorte son camis. Donc il a levé sa tunique et lorsqu'ensuite il est arrivé sur l'eau, donc il est tombé dans l'eau. Et là, la moralité, la morale de qu'est-ce qu'on retient, la sagesse, c'est qu'au moment qu'il a soulevé sa tunique, il a soulevé son kamis, si vous voulez, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'avait pas la certitude. Donc, en aucun cas, il pouvait réussir. Il ne pouvait pas réussir. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a levé son vêtement, ça prouve qu'il n'avait pas la certitude, donc il avait une sorte de doute et d'hésitation. Voilà, c'est. Ici, c'était juste pour illustrer un petit exemple pour qu'on puisse comprendre lorsque je parle d'hésitation et de doute. Celui qui invoque Allah, il ne doit pas hésiter. Là, c'était juste pour illustrer ça. Vous comprenez maintenant lorsqu'on dit invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et n'ayez point de doute. Ne soyez pas hésitant. Allah Jalla répond à l'appel de son serviteur lorsqu'il est dans la détresse. Un autre point important aussi à savoir, et quelque chose qu'on entend souvent à l'heure actuelle, c'est courant chez beaucoup, c'est que lorsque par exemple on a des enseignements, on a par exemple un impératif, un ordre qui vient d'Allah dans le Coran, ou bien qui vient du prophète sallam dans sa tradition. Parfois, vous avez vu les ordres, le prophète sallam nous ordonne de faire une chose ou nous commande de faire une chose, ou bien Allah Jalla dans le Coran nous ordonne de faire une chose. Parfois, on ne connaît pas forcément la sagesse, comme on a déjà dit dans des cours précédents. On a dit maintes fois, donc parfois on en a la connaissance, et parfois on n'a pas la connaissance de la sagesse. Or, beaucoup, pour eux, avoir la connaissance de la sagesse, d'un ordre ou d'une action ou d'une œuvre qui nous a été commandée, eh ben ça, en quelque sorte, ça va les convaincre. Ça va les convaincre aussi sur le bien fondé de l'œuvre et d'accomplir l'œuvre. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le musulman, à la base, c'est quelqu'un de soumis. C'est quelqu'un de soumis. Lorsque Allah Jalla lui ordonne, et lorsque le prophète Sallam lui ordonne, il n'y a pas d'hésitation. C'est-à-dire, on n'attend pas d'être convaincu. C'est-à-dire, à partir du moment que c'est l'ordre d'Allah, on est convaincu. Et on observe. Et on applique. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, lorsqu'on leur dit qu'il faut faire telle et telle chose, alors on dit oui, mais akhi, je ne suis pas encore convaincu. Explique-moi, je ne suis pas convaincu. Lorsqu'on leur apporte la preuve, que ce soit un verset, ou bien que ce soit un hadith du prophète, un salam authentique, on lui dit telle et telle chose, c'est interdit. Alors il va dire, ouais, mais moi, t'as vu, je ne suis pas encore convaincu. Mais convaincu de quoi? La personne veut être convaincue de quoi? C'est l'ordre d'Allah. Et c'est l'ordre du messager d'Allah. Que la personne soit convaincue ou qu'il ne soit pas convaincu, ou je ne sais. Ce qui lui est demandé, c'est l'islam. C'est l'istislam ou lillahi bit-tawhid wal inqiyad lahu bit-taha wal bara'atu min ash-shirk wa ahli. C'est sa soumission. C'est tout ce qui lui est demandé. C'est d'être soumis. Qu'on en ait la connaissance de la sagesse ou non, et que la personne ensuite, ça l'a convaincu ou pas convaincu, ce qui lui est demandé, c'est d'être soumis. Donc le fait de dire, je ne suis pas encore convaincu, je ne suis pas convaincu, ça, ce n'est pas quelque chose à dire, ou ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Lorsque Allah Jalla ordonne, et lorsque le messager ordonne, la personne, qu'il connaisse la raison, qu'il en soit convaincu, il doit ici mettre en pratique. Et il n'y a pas de choix dans cela. Il n'y a pas de choix dans cela. Par contre, on n'a pas dit que n'importe quelle personne qui vient, qui lui parle et qui lui rapporte un ordre ou un impératif, qu'il exécute. On parle d'Allah et de son messager. On prend la parole des gens, la parole, que ce soit un imam, ou que ce soit un shir, ou que ce soit n'importe quelle personne, la parole, on la prend lorsqu'elle est basée sur ce qu'Allah a dit et le messager a dit. Sinon, on accepte la parole de personne. Par contre, lorsque l'ordre vient d'Allah et de son messager, alors là, on exécute. Là, la personne, il est soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit convaincu ou non. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de choses. Parfois, on en connaît la sagesse. Parfois, on n'en connaît pas la sagesse. La personne, il va faire un tawaf, circumambulation autour de la Kaaba. L'ordre, c'est d'en faire sept. Il doit faire sept tours autour de la Kaaba. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Allahu a'lam. Peut-être certains savants en connaissent la sagesse. Parfois, on ignore les sagesses, mais lui, le croyant, il est soumis à son Seigneur. Tant que ça vient d'Allah et ça vient de son messager, il applique. Il applique. C'est pour ça, lorsqu'on entend certains qui disent, oui, mais akhi, je suis pas convaincu, lorsqu'on leur rapporte un texte, on dit bien, la science est qala Allah ou qala Rasulullah. La science, c'est ce qu'Allah a dit et son messager a dit. Lorsqu'Allah a dit et le messager a dit, le hadith, il est authentique, alors il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a plus d'hésitation à cela. De plus aussi, il y a un autre point aussi très important, un autre point, et ça convient avec ce qu'on a étudié précédemment. Vous savez, lorsqu'on a étudié le tafsir, l'explication, l'exégèse du verset, du premier verset dans le Mujadala, encore l'histoire, on a dit, hein, de cette femme qui est venue se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le verset est descendu. Donc ce verset-là, par exemple, on en connaît l'interprétation, on en connaît la cause, À cause de la révélation. Donc, on connaît le contexte du verset, l'histoire du verset, pourquoi le verset est descendu. Ensuite, Allah Jalla par rapport à cette situation, Allah a légiféré. A légiféré pour celui qui fait Adhihar, qui s'interdit sa femme en la répudiant, en lui disant que tu m'as interdit de cameler le dos de ma mère. Alors, celui qui veut revenir sur sa parole, il a une expiation, on a dit. Alors, soit il a franchi un esclave, c'est la libération d'un esclave, soit il doit jeûner une période de 2 mois consécutifs, ou soit nourrir 60 pauvres. Là, c'est un exemple que je vous donne. Lorsqu'on a appris ça, est-ce qu'une personne pourrait venir maintenant, même des siècles après, nous dire il faut réviser la compréhension et l'approche qu'on a du Coran. Il faut lui retrouver une nouvelle approche, une nouvelle interprétation, une nouvelle adaptation au temps ou au lieu. On ne peut pas dire ça. C'est pour ça que ce parti ou cette doctrine, il y a une doctrine à l'heure actuelle qui a émergé, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la réforme. Ce sont en quelque sorte des réformistes. Des réformistes qui prônent une nouvelle adaptation, une nouvelle compréhension du Coran, une nouvelle interprétation, une nouvelle approche des versets. Donc il faudrait renouveler l'interprétation et la compréhension des textes, comme c'est souvent dit, comme c'est souvent dit. Et donc a émergé, hein, de ce fait est apparue une nouvelle pensée, une doctrine qui dit que il faudrait réformer et renouveler l'interprétation et l'approche donc. Et l'adapter, donc c'est pour ça qu'il parle d'adaptation, hein, et adapter justement les versets et notre compréhension des versets coraniques selon l'époque et le temps. Mais comment aller à l'encontre de cette interprétation? L'interprétation du verset a déjà été faite. On ne peut pas renouveler l'interprétation. On ne peut pas réadapter. On ne peut pas falsifier l'interprétation. L'interprétation, vous l'avez vu, il y a un contexte, le verset est clair, et c'est quelque chose qui ne change point. C'est quelque chose, quel que soit le temps, l'époque, le lieu, c'est quelque chose qui ne change point. C'est-à-dire que si une personne s'interdit sa femme en la répudiant, en lui disant que tu m'as interdit de cameler le dos de ma mère, on lui dira à n'importe quelle époque, à n'importe quel lieu, en n'importe quel endroit du monde, même si plus tard, dans des siècles, s'il y a toujours cet univers, s'il est toujours existant avec la permission d'Allah, les gens, il a qiyam sa'a, s'ils veulent revenir sur leur parole, ils auront cette expiation. Ils auront cette expiation. Pourquoi? Parce que c'est la loi d'Allah. On a dit, c'est ce qu'Allah Jalla a fixé comme limite. Alors la personne il devra s'acquitter de s'affranchir, libérer un esclave, ou bien jeûner 60 jours, c'est-à-dire 2 mois consécutifs, ou bien nourrir 60 pauvres. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait revoir, qu'il faudrait réviser, comme certains le disent. Vous avez vu les versets du Coran, l'interprétation du Coran a été faite. Les versets du Coran, il y a des versets qui sont clairs. Et donc, vous avez vu, c'est pour ça, pour bien comprendre le Coran, il y a des textes, il y a des causes, hein, il y a des révélations, cause par rapport aux révélations, cause de la descente du verset. Donc, il y a tout un contexte à savoir. Il faut juste prendre connaissance de tout cela, du contexte, des causes, des révélations, des versets. Pourquoi Allah Jalla a révélé tel et tel verset? Ces versets sont descendus pour qui? Pourquoi, comment, à quel moment? Tout ça, c'est des choses à prendre, dont il faut apprendre, il faut prendre connaissance. Et ensuite, ça nous permet vraiment d'avoir la certitude et la bonne compréhension. En d'autres termes, hein, pour résumer en 2 mots, de tels versets, lorsqu'on a la connaissance des circonstances de la révélation, on ne peut pas les interpréter autrement, tout simplement. On ne peut pas les interpréter autrement. Et d'ailleurs, toujours sur l'explication et l'interprétation du verset 1 de Sourate Al-Mujadala, en l'occurrence, si vous regardez le tafsir de ce verset aussi, vous allez voir une histoire dans le tafsir, par exemple, d'Ibn Kathir. Vous allez voir certains savants dans leurs commentaires, dans leurs livres d'exégèse, comme Ibn Kathir, mentionnent une histoire justement à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Justement, une histoire avec cette même femme qui s'appelait Khawla, Bint Tha'laba. Donc cette même femme, il est dit que plus tard, à l'époque, hein, dans cette histoire, elle est mentionnée, donc vous pouvez je vous réfère au livre de Tafsir d'Ibn Kathir. Il est dit que plus tard, à l'époque du règne du deuxième calife, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, alors qu'il est rapporté dans un énoncé de cette histoire qu'il était avec un de ses compagnons, avec un homme, certains dans l'énoncé le nomment, c'était Al-Jaroud. Al-Jaroud, alors Omar, alors qu'il sortait, il s'est fait arrêter par une femme. Il s'est fait arrêter par une femme. Ensuite, cette femme s'est adressée à lui. C'était une femme âgée. Elle s'est adressée à lui en lui disant, alors qu'avant, lorsque tu étais petit, tes gens t'appelaient par le diminutif de Omar. Alors, elle lui disait, alors que tu étais petit, les gens t'appelaient par le diminutif de Omar. Ensuite, tu as grandi et les gens t'ont appelé Omar. Et maintenant, le temps est passé et les gens t'appellent Emir al-Mu'minin, le prince des croyants. Ensuite, elle lui a fait une recommandation en lui disant, crains Allah. Alors tu dois craindre ton Seigneur car la mort est devant toi, en quelque sorte. Traduction native du sens de cette histoire. Ensuite, elle a insisté. Et donc, il est rapporté que Omar, dans cette histoire, il écoutait ses paroles. Il écoutait longuement les paroles de cette vieille dame. Ensuite, lorsqu'il s'en alla, alors l'homme qui est avec Omar, il a voulu arrêter cette dame. Il était étonné de voir Omar qui écoutait longuement cette vieille dame. Alors l'homme, ensuite, en partant, il fit part à Omar de son étonnement en lui disant, mais il était étonné que Omar ait accordé du temps à cette femme et qu'il l'ait écoutée longuement comme ça. Alors Omar, il lui a dit, ne sais-tu pas qui est-elle? Cette femme, c'est la femme qu'Allah Jalla wa Ala a écoutée. C'est-à-dire que il a dit que cette femme est celle dont Allah a entendu ses plaintes au-dessus des sept cieux. Au-dessus des sept cieux. C'est pour ça qu'il dit que, en quelque sorte, s'il devait l'écouter toute la nuit, il ne l'arrêterait pas. Du fait qu'Allah Jalla wa Ala l'a écouté, et c'est elle qu'Allah Jalla wa Ala a écouté alors qu'il était au-dessus de ses sept cieux, il a dit cette femme, c'est Khawla. C'est Khawla dont Allah Jalla wa Ala a entendu ses paroles et il l'a écouté au-dessus de ses sept cieux. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, on va continuer, Inch'Allah, dans l'explication du hadith. Ensuite, dans ce récit, après que le prophète sallam, donc, ait fait part à ses compagnons qu'ils n'avaient pas besoin de se fatiguer et que Allah Jalla wa Ala est celui qui entend leurs invocations, il est le clairvoyant, et il est proche. Et donc Allah Jalla wa Ala, il est proche. Et aussi, ça nous fait un rappel sur beaucoup de pratiques qu'on voit pour ceux qui ont eu l'occasion et l'opportunité d'accomplir un petit pèlerinage ou bien un grand pèlerinage. Vous avez vu souvent, par exemple, lorsque on tourne, on fait la circumambulation autour de la Kaaba, on voit des groupes, que ce soit autour de la Kaaba ou que ce soit même pour le pèlerinage le jour de Arafat, on voit des groupes hein, venant de certains pays. Alors, c'est quand même des groupes assez considérables et ils sont tous ensemble en train de suivre un guide et tout le monde crie. Et ils crient, et pardon, ils crient derrière le guide et ils répètent les invocations que le guide leur dit. Et donc, ils crient à haute voix et ça dérange les gens qui sont autour. Ça, par exemple, c'est pas quelque chose de légiféré. Le fait de crier de cette manière, le fait d'invoquer à haute voix de cette manière, le fait que ça porte préjudice et du tort à ceux qui sont à côté, qui essayent de se concentrer, qui essayent d'invoquer, et en plus le fait de le faire en groupe de cette manière. Donc c'est comme s'ils le font en chœur, tout le monde invoque en chœur, en groupe, et donc ils suivent les invocations de leur guide. Cette manière, les savants disent, c'est pas celle-ci qui est légiférée. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'imposer une charge qui ne nous a pas été imposée. Et les gens, ici, y a takallafoun. Alors que ce qui est demandé, c'est que on invoque Allah Jalla wa Ala, on n'a pas besoin d'élever les voix. Vous savez, ceux qui ont même fait déjà la Umrah, vous avez déjà vu, parfois ils ont même des mukabbirat, ils ont même mukabbirat al-saut, ils ont même des sortes de haut-parleurs. Donc parfois ils invoquent même avec des haut-parleurs. Alors que ce qui est demandé, c'est d'invoquer Allah Jalla wa Ala. Et donc Allah Jalla wa Ala est celui qui entend et celui qui voit. Comme a dit le prophète, sallam, il n'est pas sourd et il n'est pas absent. Allah est celui qui entend et qui voit. Et donc regardez, juste les compagnons, lorsqu'ils faisaient At-Takbir, ils disaient Allahu Akbar. Le prophète, sallam, leur a dit qui n'avaient pas à s'imposer eux-mêmes une sorte de difficulté ou de mashaqqa ou une pénibilité, et que leur Seigneur est celui qui entend. On n'a pas besoin de prendre le mukabbirat, de prendre des haut-parleurs et de l'invoquer avec des haut-parleurs. Donc ça, par exemple, dans ce hadith, on voit par exemple les comportements adoptés lorsque on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le récit, le compagnon, l'auteur du... Enfin, le compagnon qui nous rapporte le hadith, il va nous donner une autre information dans le récit. C'est Abu Musa al-Ash'ari, que ensuite le prophète Sam s'est dirigé vers lui. Alors qu'il leur a fait cette recommandation, ensuite le prophète Sam, il s'est dirigé vers le compagnon, et le compagnon nous dit que, alors que lui-même, il était en train, au fond de lui, d'invoquer Allah. Et pas de n'importe quelle manière, il disait au fond de lui, « La hawla wa la quwwata illa billah ». Donc au fond de lui, il disait cette parole, « La hawla wa la quwwata illa billah ». Et il ne le disait pas à voix haute, il le disait en lui, comme il décrit sa propre personne. Et là, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rapproché de lui, et lui a dit, « Oh Abdallah ». Pourquoi ? Parce que c'était son nom. C'est comme cela qu'il s'appelait. Il lui a dit, « Ya Abdallah ibn Qais, fils de Qais, dis la hawla wa la quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuz il jannah. » Dis cette parole, « La hawla wa la quwwata illa billah. » Dis-là cette parole, parce qu'il dit c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Et là, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va nous expliquer un peu ce passage. Déjà, d'une manière linguistique, le sens de cette parole. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est pour ça, moi, avant de vous la traduire, je voulais dire en arabe, et ensuite on essaiera de comprendre cette parole avec l'explication. Donc il dit, « La hawl, jumlatun murakkaba, jumlatun murakkabatun min la, la nafiya lil jins, wasmiha wa khabarwa mahzuf. » Il nous dit, premièrement, on voit qu'il y a la particule de négation. « La », lorsqu'on dit « la hawla »,« la hawla », il dit, il y a aussi bien, donc on a la nafiya, l'injins, et il va nous dire qu'on a un sous-entendu, quelque chose qui a été dissimulé, qui n'est pas apparent dans la phrase. Yarni, taqdir, qui est supposé. Et c'est le terme ka'in. Pour ça, il va l'expliquer de cette manière. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est dans le sens la hawla ka'inun wa la quwwata ka'ina. Illa billahi, fama ma'ana al-hawl wa ma ma'ana al-quwwa. Donc là maintenant, il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de quwwa, ou plutôt, il n'y a pas de hawl existante, et ni de force existante, si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va essayer de comprendre ces deux termes maintenant. On a al-hawl et on a quwwa. Pourquoi ? Parce qu'on a la négation d'al-hawl et de l-quwwa. Si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a l'affirmation pour Allah Jalla Jalalu. Et donc il nous dit la hawla ka'inun wa la quwwata ka'ina illa billahi. Fama ma'na al-hawl wa ma ma'na al-quwwa. Donc pour bien comprendre cette parole, il nous faut comprendre le terme hawl wa quwwa. Donc al-hawl, il dit, c'est at-tahawul min hal ila hal. C'est le fait de passer d'un état vers un autre. Le fait de changer de situation, de passer d'une situation à une autre. Pourquoi ? Parce que tahawul à la base, c'est une sorte de transformation. Mais ici, ça serait dans le sens de passer d'un état à un autre. Passer d'une situation à une autre situation. Regardez, lorsqu'il dit « ma'na al-hawl »« At-tahawul min halin ila hal »« Fala tahawul alana min hal ila hal illa billah » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'état, il n'y a pas de changement de situation qui viendrait de nous-mêmes, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier terme, al-hawl. Ensuite, il dit le deuxième terme, al-quwwa. Donc, quwwa, le terme est plus simple, hein, vous avez bien compris, c'est la force. Donc, il nous est dit dans cette formule, il n'y a point de force, si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la hawl, il n'y a pas de hawl, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre état, d'une situation à une autre situation. Et ni de force, si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà en quelque sorte ce que veut dire cette parole. La hawla wa la quwwata illa billah. Walba huna, walba, lorsqu'on dit illa billah, billah, vous avez vu, il y a un ba, wa lissababiyya au lil'i'ana. Alors il pourrait sous-entendre un sens lié à la cause, al-sababiyya, à la cause, ou bien l'il-i'ana, ou bien pour l'aide. Ça serait une sorte de demande d'aide. C'est-à-dire, pour bien comprendre le sens en résumé, l'auteur du commentaire nous dit, Shir al-Thaymin, rahimahullah, il nous dit, la nastatea an natahawwal wa la naqwa ala dhalik illa billahi azza wa jal. Dans le sens, lorsqu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, alors pour bien comprendre, imaginez-vous, vous êtes dans une situation, vous êtes dans un état bien précis, dans un hal, hein, dans une situation bien précise, et là vous dites la hawla wa la quwwata illa billah. Alors ça veut dire que vous êtes en train de dire la nastatir, on ne peut pas ni changer, c'est-à-dire de situation, d'état. Je ne peux pas passer de cette situation à une autre, je ne peux pas changer la chose. Et on n'a point de force aussi. On n'a point la force de cela, si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala, ou si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de là, on comprend mieux là, la parole. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ كَلِمَةُ اسْتِعَانَ كَلِمَةُ اسْتِعَانَ. C'est pour ça qu'on comprend maintenant que cette parole, c'est une sorte de demande d'aide. Elle suppose ici, elle sous-entend et dénote une demande d'aide. C'est comme si qu'on recherche de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَتْ كَلِمَةِ اسْتِرْجَعَ. Regardez ce que Shir va nous dire. Une très important, point très important. Il dit donc que cette parole, elle sous-entendrait plus une demande d'aide. Par contre, il dit, ce n'est pas la parole d'istirja'. L'istirja', qu'est-ce que l'istirja'? L'istirja', c'est lorsqu'on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Vous avez vu, lorsque la personne est touchée par un malheur, alors qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il est touché par un malheur ou il est dans l'adversité, il est dans la détresse? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et bien, cette parole-là, on appelle ça la parole de l'istirja'. L'istirja', c'est le fait de revenir vers Allah. « Inna lillahi », certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui vers qui nous retournerons. Vous avez vu, c'est la parole en quelque sorte de retour. C'est vers lui dont on retournera, ou vers qui on retournera. « Khilafan l'istirmali al-ammatu laha ». « Khilafan l'istirmali al-ammati laha ». Contrairement, il dit à beaucoup de gens de la masse, fa inna al-ammata yastamiluna al-istirja', fa in usiba bi musibatin qalu la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit contrairement à l'emploi et l'utilisation de beaucoup de gens de la masse, qui eux, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, alors ils disent la hawla wa la quwwata illa billah. Alors qu'il dit qu'en telle circonstance, en réalité, lorsqu'on est touché par un malheur, ce qu'il faut dire, c'est « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est la parole de retour vers Allah qu'il faut dire. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui dont nous retournerons. C'est cette parole qu'il faut dire. Et c'est cette parole qu'on appelle « Kalimat al-istirja'. ». Donc, c'est cette parole qu'il faut dire et qu'il faut prononcer lorsqu'on est dans un malheur. C'est pour cela que ceux, par exemple, lorsqu'ils ont une perte d'une personne qui leur était chère, alors vous avez vu le fait de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Regardez dans le verset Allah Jalla wa Ala, et il nous parle dans Sourate Al-Baqarah lorsqu'il dit que il va éprouver ses serviteurs avec toute forme d'épreuve. Allah Jalla wa Ala, il va citer avec la perte de biens, avec la perte de personnes qui nous sont chères. Donc Allah Jalla wa Ala va nous éprouver aussi avec la faim, il dit donc toute forme d'épreuve. Et ensuite Allah Jalla wa Ala dit dans le verset wa bashir as-sabirin, et accorde ou annonce plutôt la bonne nouvelle aux patients, à ceux qui vont endurer. Alladhina idha asabatuhum musibatun, ceux qui lorsqu'un malheur les touche, les atteint, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils disent certes nous appartenons à Allah et c'est vers lui dont nous retournerons. Donc vous avez vu, lorsqu'on est touché par un malheur, Allah Jalla wa Ala dit, annonce la bonne nouvelle aux patients. Qui sont ces patients, ces endurants? Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils disent, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils disent cette parole. Et c'est ça la parole qu'on appelle istirja'. Mais ensuite, Allah Jalla wa Ala continue, regardez ce qu'il dit. Regardez la grande rétribution. Il dit, ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. Il dit, à eux, les prières, de leur Seigneur et sa miséricorde. Regardez, c'est vraiment immense. Ceux qui patientent, qui endurent face à l'épreuve et qui disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah dit pour eux, ulaika alayhim, sur eux, si vous voulez, plutôt, les prières de leur Seigneur, wa rahma, la miséricorde, wa ulaika humul muhtadun, et ce sont certes les bien guidés. Regardez, cette annonce, elle est immense. Cette annonce, elle est vraiment immense. Donc ça, c'est celle-ci qu'on appelle la parole de Istarja. Et Cheikh Rahmi dit, et beaucoup de gens de la masse l'emploient, la parole « La hawla wa la quwwata illa billah », maintenant on revient à cette parole-là, lorsqu'ils sont touchés par un malheur. Or, il dit, lorsqu'on est touché par un malheur, c'est l'autre parole qui veut dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et par contre, il dit « As-sawab ». Par contre, regardez ce qu'il dit. As-sawab, annaka idha usibta bi musiba, taqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque tu es touché par un malheur, tu dis cette parole-là. C'est à Allah que nous appartenons et vers lui dont nous retournerons. Lakin istirmalihi iyaha wajhun. Par contre, selon un certain emploi, il dit, hein, c'est vrai, selon un certain aspect, on pourrait considérer un certain aspect, كَأَنَّهُمْ يَسْتَعِنُونَ بِهَا عَلَى تَحَمُّلِ الصَّبْرِ وَتَلَقِّ الْمُصِيبَةِ. Du fait que la personne qui est touchée par un malheur, pour rechercher de l'aide, donc il recherche de l'aide auprès d'Allah pour supporter, endurer, hein, avec patience cette épreuve, et donc pour تَلَقِّ الْمُصِيبَةِ, pour bien, on va dire, endurer cette épreuve et ce malheur, et pour l'acceptant en quelque sorte, donc le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Donc de cet aspect-là, on pourrait considérer cette chose. Lakin, mais il dit, mais, ma warada huwa al-istirja' wa afdal wa ahsan. Mais il dit, ce qui est meilleur, c'est ce qui a été mentionné dans les textes. Et ce que nous est mentionné dans les textes, c'est la parole de ce qu'on appelle l'istirja. Et la parole d'istirja, c'est quoi? C'est inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ça qui nous est rapporté dans les textes. Ensuite, il dit par rapport à cela, regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire aux compagnons que cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, donc on l'a dit, et lorsqu'on a compris le sens, comme nous a expliqué Cheikh Al-Uthaymeen ici, donc on voit que ça suppose une demande d'aide. Donc on est dans une situation précise, on a besoin de notre Seigneur, on est dans un contexte bien précis, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Là, ça, c'est une grande invocation. C'est un grand dhikr, c'est une grande évocation. Et sachez que le prophète, en fait, il dit, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Donc là, ce soir, on a pris un trésor. On a appris un trésor parmi les trésors du paradis. Donc ça suffit juste. Juste l'apprentissage de cette parole et de savoir que c'est un trésor parmi les trésors du paradis et connaître le sens de cela, déjà c'est un trésor comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc regardez, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. C'est ça la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Et on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités dans la religion pour avoir beaucoup de hasanat. Et des fois c'est des choses vraiment infimes, hein. C'est des choses vraiment qui sont faciles à dire. Regardez, lorsque le prophète sallam dit « Man qala subhanallahi wa bihamdi, ghulisat lahu nakhlatun fil janna » Dans un hadith, le prophète dit « Celui qui dira juste « Subhanallah wa bihamdi » Tout le monde peut le dire. C'est quelque chose de facile à prononcer. « Subhanallah, gloire à Allah » Notre traduction relative « Wa bihamdi » Et les louanges lui appartiennent. « Subhanallah wa bihamdi » Donc toute personne peut le dire ça. Ça prend quelques secondes. C'est vraiment quelque chose d'aisé à prononcer. Et bien le prophète en somme dit, celui qui dit ça sera enraciné pour lui un palmier au paradis. Imaginez-vous. Celui qui dit juste subhanallah wa bihamdi, ghulisat lahu nakhlatun fil jannah. Sans compter, puisqu'on n'a pas le temps, c'est pas le sujet, mais sans compter d'autres invocations qui sont la cause d'une récompense qui est inestimable. Donc vous avez vu là, la personne, pendant qu'il est vivant, il y a beaucoup de choses à faire par laquelle il peut se rapprocher d'Allah et par laquelle il peut obtenir de nombreuses hasanats. Et là, en l'occurrence aussi, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va nous dire que cette parole qui est un trésor, alors imaginez-vous, là on a un trésor parmi les trésors du paradis. Regardez, on a juste dit le fait de dire juste « Subhanallah wa bihamdi », c'est un palmier au paradis ça. Imaginez-vous « La hawla wa la quwwata illa billah », ça c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son commentaire, il va nous dire parmi les emplois ou bien les moments où il est méritoire et recommandé de dire « La hawla wa la quwwata illa billah » par exemple, lorsque le mu'adhin, il fait l'adhan, par exemple lorsqu'il dit « Hayya ala salah » ou « Hayya ala al-falah » donc là, celui qui entend le mu'adhin faire l'appel à la prière, là, à ce moment-là, on dit « La hawla wa la quwwata illa billah » Il n'y a pas de « hawl », il n'y a pas de « quwwa » de force, si ce n'est par Allah ou en Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, c'est une parole qui est immense. Et après, pour terminer notre cours, l'imam al-Bukhari, après avoir mentionné ce hadith qui était vraiment exhortant, l'imam Bukhari dit, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فلا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. Et regardez ensuite, l'imam Bukhari mentionne un autre récit. Donc après qu'il ait mentionné la chaîne de transmission, il rapporte ce hadith d'après Abdallah ibn Amr, d'après Abu Bakr, c'est-à-dire d'après le compagnon Abdallah ibn Amr, qu'il dit, il va nous raconter qu'un jour le célèbre et grand compagnon, le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu ta'ala an, qui deviendra le premier calife ensuite de l'islam, le meilleur de cette nation, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala an. Et c'est pas en vain qu'on répète les mérites, hein, de Abu Bakr, parce que vous allez voir le lien qu'il y a ensuite dans ce qui va suivre. Donc Abu Bakr demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, allimni du'a an ad'u bihi fi salati. Au messager d'Allah, enseigne-moi une invocation dont je pourrais utiliser dans ma prière. Une invocation que je pourrais utiliser dans ma prière, par laquelle je pourrais invoquer Allah dans ma prière si vous voulez. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, قل دي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. Ô Seigneur, j'ai certes été injuste envers moi-même, d'une grande injustice. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. Et personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Ô Seigneur, pardonne-moi d'un pardon de toi. إنك أنت الغفور الرحيم. Tu es certes le grand pardonneur, le clément. Traduction relative de ce hadith. Donc dans la prochaine assise, inshallah, c'est ce hadith qu'on va étudier, cette invocation-là, le fait de dire au Seigneur, j'étais injuste envers moi, d'une grande injustice, et personne ne pardonne les péchés, si ce n'est toi, ô Seigneur, pardonne-moi d'un pardon venant de toi, innaka antal ghafur rahim. Vous allez voir que c'est une grande invocation ici qu'on a, et il y a des grands enseignements. On va apprendre à quel moment on doit la dire dans la prière, on va apprendre que c'est le prophète Hassan qui va l'enseigner à Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, à pas n'importe quel moment. C'est une invocation à dire dans la prière. Donc, dans la prochaine assise, on va apprendre le sens de cette invocation. À quel moment il faut le dire dans la prière. On continuera, inshallah, sur l'explication de cela. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.